On s'avance, ça va pas, dans la misère on s'adapte, y'a ce qu'il faut dans l'appart et sa vie en bas du bas. Si tu me cherches, je suis à la fresque ou dans les quartiers nordiques à carte noire, 97, je te nique tout est mort. Ouais je débile sec, je fais plaisir le secteur. La rafale viendrait de ton collègue sous la RR. J'ai vu tout le monde à ta mort, j'envoie les faire peur. Je la joue pas faire play, je préfère leur faire peur. Ok, je descends du bat, je vais les fumer un. J'appelle le poteau sur la moto, on est deux. Donne des feuilles sur le pétard, on est trois. Si la haja, on se venge, dans la voiture, on est quatre. Cacoulé, ganté, ça récupère des charbons. Camouflé, hanté, j'parle avec des fantômes. Menotté, tenté de braquer place Vendôme. Fiche ton match, j'peux voir les étoiles dans le fond. Tout ça pille avant mort, en bilan rapport. C'est la rue en direct, en chair et en os, y'a pas de chaîne en or. Que ça pille avant mort, en bilan rapport. C'est la rue en direct, en chair et en os, y'a pas de chaîne en or. En ce moment ça sent la patate, je vois que des casques rouges. Faut quartier ça sent la patate, comme dans le quartier rouge. Ouais je te pique, je te mets pas des claques et pourtant t'es rouge. Fais pas le fou, t'as vu quelques plaques, compter quelques rouges. J'ai pris la lazale, il sort du hype, c'est par des cartes grises. Fais pareil si y'a nada, frère, avant que l'état te brise. Et je repars en deux et demi, j'arrache la bavette. Tu m'aimes pas, retourne pas ta veste, fais pas la navette. Je suis au sud et pour l'inspi, j'effrite la barrette. Les jaloux diront, je suis mort, qu'il faut que j'arrête. C'est des rappeurs ou des journalistes, t'inquiète, ils sont sur ma liste. Jour l'insberg, je les analyse. T'es pas le sang, ne fais pas la bise. Non, c'est des rappeurs ou des journalistes. T'inquiète, ils sont sur ma liste. Que ça pille avant mort, en bilan rapport. C'est la rue en direct, en chair et en os, y'a pas de chaîne en or. Que ça pille avant mort,